Chapitre 3e, ouverture de porte. À 16h de l'après-midi, Karim va au paradis. Son ami l'accueille avec l'habituelle chaleur et le fait rentrer. « Du thé à la menthe ?» propose Sylafid. « Oui, merci. Il faudra qu'un jour je te fasse cadeau de deux sacs, l'un de thé et l'autre de menthe. »« Ah !» rit le vieillard. « Pas la peine. Pour le thé, il ne coûte pas cher. Le voisin, Hamida, me le porte du Sahara où il travaille dans le pétrole. Quant à la menthe, je la prends gratuitement dans mon jardin. » Il indique le petit balcon ensoleillé. « Regarde !» Il se dirige vers son jardin, suivi par Karim. Là se trouve aménagé un coin assez large, constitué de terre. Une partie est occupée par de la menthe. À côté, une poule, un coq et quelques poussins picorent en se dandinant. Le vieil homme les indique. « C'est mon magasin d'œufs. » Et cet autre ? Il montre une jolie chèvre, au poil blond, au délicat museau, aux grands yeux noirs brillants. « C'est ma laiterie. » Le modeste montant de ma retraite m'a donné de belles idées. Comme tu vois, et même le luxe, puisque je m'alimente de produits biologiques. Karim secoue la tête en signe d'un sentiment admiratif. J'essaierai, dit-il, de convaincre ma mère de t'imiter. Comme tu le sais, nous aussi, on ne roule pas sur l'or, mais on dispose d'un balcon, même plus grand que le tien. Allez, assieds-toi, invite Sylafid. Le thé dans le thermos. Il suffit d'ajouter la menthe fraîche dans les verres. Pendant que le vieillard bat dans la cuisine, Karim s'assoit et attend. Il en profite pour observer encore une fois le salon. Il aime sa belle simplicité, les étagères de livres. Sous l'effet de la belle lumière extérieure venant des larges fenêtres, la couleur blanche des murs crée une atmosphère douce et sereine. Il a bien su se construire son paradis, se dit Karim. J'aimerais bien en avoir un semblable. J'espère que Zahra aimera. L'heureux bénéficiaire de ce lieu, modeste bien que très agréable, revient. Il pose la théière, deux verres et de la menthe sur la table, puis il s'assoit. Pour bien parler, déclare-t-il, il est utile d'irriguer le ménage. Le thé à la menthe est une bonne médecine. D'un geste lent et harmonieux, il remplit le verre de Karim, puis le sien. Ensuite, il lève son verre. Karim en fait de même. Les deux amis les entrechoquent doucement et boivent quelques gorgées. Il repose les verres. « Tu sais, Karim, que tu as de la chance ?» lance Sylafid avec une pointe d'humour. « Ah !» réagit l'interpellé du même ton. « Il faut bien que de temps en temps la chance atténue la rudesse de la vie. De quoi s'agit-il cette fois ?»« Eh bien, pour parler encore de porte, l'une vient de s'ouvrir. Figure-toi qu'hier soir, je pensais à toi et au travail pour Zahra. Et comme cela m'arrive parfois, quand je cherche une solution, j'ai promené mon regard sur mes livres, puis j'ai regardé la liste de ceux que j'ai conservés sur des disques durs, séparés de l'ordinateur. Et c'est justement parmi ces derniers que j'ai fini par lire un titre. Francisco Ferrer, tu connais ? Non. C'est le fondateur d'une école, la plus libre, la plus intelligente, la plus solidaire, bref, la meilleure que je connaisse. Eh bien, quand j'ai lu le titre de son livre principal, « L'école moderne », une idée m'est venue. La voici. Que dis-tu d'aider Zahra créer une crèche pour enfants dans l'esprit de l'école de Francisco Ferrer ? Après un bref instant de surprise, Karim demande « Comment ?» Je crois que tu as noté comme moi que notre quartier est rempli de petits-enfants. Les uns traînant dans la rue de manière dangereuse pour eux, d'autres se plaignant de rester à la maison seuls parce que le père et la mère travaillent. Oui ? Eh bien, comme disent les économistes, nous avons là une demande qui nécessite une offre, et c'est une crèche. Karim réfléchit quelques secondes, puis « Où la mettre, je veux dire le local ?»« J'y ai pensé, » répond Sylafid. Il faut appliquer deux principes, caractéristiques de la guerre populaire, compter sur ses propres forces et transformer sa faiblesse en force. Comment ? La faiblesse de Zahra, explique le vieillard, est de manquer d'argent pour louer un lieu à utiliser comme crèche. Zahra ne peut pas non plus recourir à l'appartement de ses parents. Il reste le mien. Durant la journée, je peux mettre à disposition mon salon et me cantonner pour écrire dans mon petit jardin. Extrêmement touché, Karim réplique. Je te remercie infiniment pour cette proposition, mais je crois qu'il vaut mieux utiliser notre appartement, je veux dire celle de ma mère. D'une part, il est plus grand, d'autre part, maman et ma sœur Zaya pourraient aider Zahra dans son travail. À toi, concède Sylafid, de bien examiner ces deux solutions, puis de décider. Bien entendu, en consultant ta mère, ta sœur et Zahra.